Toujours en Corée du Sud, le Conseil de mesure des problèmes des volontaires a publié le 27 juin une déclaration contre les menées du gouvernement japonais visant à dissimuler l'histoire de crimes de guerre anti-humaines. La déclaration dévoile que le consul général japonais à Atlanta, États-Unis, a corrompu le maire et le conseil municipal pour empêcher de mettre sur pied dans cette ville la statue de l'esclave sexuel au service de l'armée nippone.